si tu l'as, si tu as le vocabulaire, si tu as les mots, parce que tu es allé à l'école, à ce moment-là, tu veux faire une petite discussion avec lui. À ce moment-là, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas changer ses vibrations. C'est automatique! Parce que t'es dans l'intelligent! Là, il va dire, ah, c'est intéressant, ça. Si tu l'as pas, mais c'est parce que tu dois pas l'avoir, faut que reste dans ton trou. Tu commences à comprendre quelque chose dans la mode puis vivre dans un séminaire? Oui, oui. Dis pas le mot d'un. Ben, je suis moins dans l'astral, donc je le suis pas encore. Là. Par rapport, supposons, avant ça, j'avais... Regarde ça. Rama, quand il parle, c'est par rapport au supposons. C'est subtil, moi, vous expliquer ça. Il y a trois choses. Quand tu dis par rapport, ça veut dire que d'abord, t'es pas sûr. Tu considères la possibilité, puis t'as entendu ce qui a été dit autour. Ça, c'est par rapport. Puis supposons, c'est parce que tu veux pas t'inculper. Fait que tu peux pas dire c'est ça. Quand tu rentres dans ton intelligence, tu peux pas dire par rapport aux supposons. Tu peux même pas te permettre parce que t'es pas capable de dire « je pense que ». Tu peux pas dire « je pense que ». Tu peux pas dire « je pense que ». Parce que dans « je pense que », il y a du doute. Quand t'es conscient, tu peux pas dire « je pense que » ou par rapport aux supposons. Plus tu rentres dans ton intelligence, plus t'es absolu quand tu parles, plus t'es absolu quand tu parles. Puis au début, ça te crée des petites tensions. Parce que quand tu deviens absolu quand tu parles, ton émotion réagit, ton ego réagit, puis là, tu te dis dans ton ego, qu'est-ce que je me prends, moi, là? T'sais. Moi, je sais, j'en ai fait l'expérience au début, quand ils m'ont contacté, je disais, wow, c'est assez, là, avoir toujours raison, je commence à en avoir plein de cul parce que je commence à avoir les épaules pas mal pesantes. Il fallait qu'il me montre que c'était le même, puis c'était le même, puis c'était à moi de l'accepter que c'est le même. Avec le temps, mais c'était le même. Mais c'est dur pour l'ego de s'apercevoir puis de réaliser qu'il a raison, puis qu'il a raison, puis qu'il a raison, puis qu'il a raison, puis qu'il a raison. Plus son intelligence grandit. C'est un poids, avoir raison. Tu peux pas dire « je pense que ».